Bonjour et bienvenue sur comicstories.fr et sur nosécrans.com pour le 66e numéro de Sur nos écrans, qui est également notre première édition rétro. On va revenir un petit peu en arrière et vous parler durant cette saison. C'est une nouveauté, on vous l'a déjà annoncé. On va vous parler de choses qui ont existé, qui ont été diffusées avant la création des podcasts de Comic Stories. Et puis pour ce dont on va vous parler aujourd'hui, bien avant, puisqu'on va vous parler pour cette première de la série Flash de 1990. Je suis Mathieu et vous allez écouter le 66e numéro de Sur nos écrans. Et avec moi pour ce premier rétro de Sur nos écrans, Arnaud. Salut. Et Léo. Salut. Alors, a priori, j'étais le seul à être né, hein, à diffuser cette série en 1990. Ce qui vous rajeunit et qui ne me rajeunit pas forcément, mais voilà, j'étais. Bon, j'étais trop petit, hein, pour la voir. Quoique, peut-être que j'ai vu des épisodes à la maison et que je me rappelle pas, hein, c'est possible. À savoir. En tout cas, ça m'a pas laissé un grand souvenir si c'est le cas. On va vous parler donc de cette série The Flash de 1990. On va vous parler d'abord rapidement de ces données, on va dire, un peu techniques, le casting, les dates de diffusion, etc. Enfin, les choses un petit peu, les informations générales sur la série. Et puis après, on vous parlera surtout du pilote, puisque nous, tous les trois, nous avons vu le téléfilm pilote, parce que ça, on peut dire c'est un téléfilm. Ah oui, parce que une heure et demie, c'est autocontenu, enfin voilà. Ça ressemble à un vrai c'est téléfilm. C'est sorti en VHS à l'époque comme un téléfilm. Voilà, tout comme deux autres épisodes qui sont sortis en tant que Flash 2. On en parlera plus tard. Donc du coup, voilà, on vous parlera surtout de ce pilote. Et puis après, moi, je vous ferai un petit point sur les autres épisodes que j'ai vus, puisque je suis allé au bout de la saison. En sautant quelques épisodes, je vous expliquerai pourquoi. Et puis voilà. Allez, Léo, est-ce que tu veux bien nous parler des données de diffusion, la date, sur quelle chaîne, tout ça. 1990, donc, enfin, seulement une seule saison de 22 épisodes. Donc, le pilote, donc, de 90 minutes, les 21 autres de 45, sur fin 90-91, diffusé sur CBS. Enfin, c'est une création américaine diffusée en France sur TF1 un an après la fin, puisque en France on est toujours en retard. John Wesley Shipp, c'est l'acteur TF1. Ouais, un peu, ouais. John Wesley Shipp, donc The Flash, le papa de Flash. C'est vrai qu'il a une bonne tête de, il a une bonne tête d'acteur des Feux de l'amour. Bah, il a fait le papa de Dawson, qui était aussi sur TF1. Il fait maintenant le papa de Barry, qui est aussi sur TF1. Enfin, voilà. On l'a vu beaucoup sur TF1, c'est pas sûr. Allez, on a spoilé un petit peu le casting, Arnaud. C'est grave, 26 ans après. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ce casting? Donc, comme on vient de le dire, John Wesley Shipp en tant que Barry Allen The Flash. Il est accompagné de Amanda Pays qui joue Christina Tina McGee, qui n'est pas beaucoup connue et qui est inexistante dans le reboot. Et bah, c'est pour les principaux, c'est tout ce qu'on retrouve. Il y a sa mère, Priscilla Pointer. Bien sûr, il y a plusieurs apparitions de Mark Hamill en tant que Trickster. Épisode 12 et 22 pour ceux qui veulent les voir. Et Paula Marshall en tant que Iris West. Eh oui, est-elle aussi détestable que Candice Patton dans la version 2014? Nous ferons évidemment le point Iris dans cette émission. C'est important. C'est important, très important. Très très important. Alors, bon, on va se débarrasser tout de suite de quelque chose. Parce que c'est la chose qui, voilà, si jamais vous vous lancez à regarder la série Flash des années 90, ça va forcément vous frapper, hein, l'esthétique visuelle de cette série. Ah bah c'est kitsch, ça c'est sûr. Ça a super mal vieilli. Ah, c'est clair. Y a des séries, il y a plein de séries comme ça des années 90 qu'on peut encore regarder aujourd'hui. Là, tout de suite, j'ai pas d'exemple, hein, mais il y a Buffy. Genre Twin Peaks. même Buffy, voilà. Effectivement, Arnaud a raison, Buffy, tout ce qui est même Charmed et les choses comme ça, qui datent des années 90 et qu'on peut encore prendre plaisir à regarder et sans se dire putain, qu'est-ce que c'est vieux. Mais alors là, Flash, ça, c'est l'effet inverse, quoi. Ça a pris une claque, Sur quand même sur Pourtant, le pilote a coûté une blinde. Ouais, 6 millions de dollars. c'est ce qui était cher pour l'époque, mais et plus enfin bon évidemment effets spéciaux époque moyen tout ça, mais surtout ce qui est le plus choquant c'est quand même la traînée que laisse Barry, enfin les C'est effets de pas ce qui me choque vitesse le de son plus. costume C'est quoi. pas ce qui me choque le plus. Moi, c'est le costume en mousse. Ah oui, Aussi oui, ça c'est vraiment le costume en dégueulasse. mousse, c'est quelque chose qui est assez difficile à voir aujourd'hui en 2016. Alors Le peut-être qu'en côté '90 ça musculature. paraissait bien, mais alors là, puis on voit bien qu'il est bien rembourré en tout, parce que quand on voit Barry Allen et qu'on le voit dans son costume de Flash, il y a un problème. Une grosse Son différence. pouvoir, c'est pas de prendre des hormones et de gonfler, hein, c'est d'aller vite. Donc Ah ouais, non. voilà. Et puis je suis pas fan moi du Barry Allen baraqué comme ça, super Mais musclé. Je préfère les Barry Allen plus élancés, plus fins, parce que ça colle plus à la vitesse, tout simplement. Enfin, là on ça, m'aurait dit qu'il jouait Superman, je l'aurais cru tellement il est baraque. c'est la vision américaine du super-héros aux années 90, Dans ça, les années c'est très 90, effectivement, le stylé. personnage principal, le héros, doit être musclé, Bien doit. musclé, voilà. Effectivement, il y a des standards comme ça, et ça pue les années 90, cette série. On n'est qu'en 1990-91, mais pourtant, voilà, sans le savoir, on sait, on peut la situer sans problème. Le téléphone dans la voiture. Ah oui, ça, bah non, Le ça c'est le téléphone ordinateur dans de la voiture. Ouais, Dynamagie, ouais, ouais. quoi. Les créateurs de cette série, allez, je vais vous parler moi du projet original avant de parler du pilote, parce que je suis tombé sur cette info en préparant l'émission et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Les créateurs de cette série, donc Danny Bilson et Paul Dimeo, n'avaient pas la série Flash en tête au début quand ils ont créé ça. Ils avaient une autre série qui s'intitulait Unlimited Powers. Et l'idée de base, c'était pas l'idée de faire Flash, c'était de se placer dans un univers dans lequel tous les super-héros rendaient leur pouvoir. Parce qu'il y avait un Limited Powers Act qui avait été passé entre les USA et la Russie. On est en pleine guerre froide, fin de la guerre froide. Pour mettre en avant la paix dans le monde, pour pérenniser cette paix dans le monde, les États-Unis et la Russie avaient décidé de limiter les super-pouvoirs chez les héros des pays respectifs. Et du coup, les super-héros rendaient leur pouvoir. Alors comment, on ne me demandait pas. Hein, et raccrochaient, en fait, tout simplement. Sauf que Flash a refusé de le faire. Ça fait penser à Civil War, hein, tout ça. Flash a refusé de le faire, il a refusé de se rendre, et il a été placé dans une espèce de stase, suspended animation, dans une espèce de stase de laquelle il sortira 20 ans plus tard, quand la série commence. La série commence 20 ans après ces événements-là. Il sort de cette stase. C'est-à-dire ils rendent leur pouvoir dans les années 90 et ils se réveillent 20 ans plus tard, Non, ou ils je donnent pense leur pouvoir dans les pas. années Je pense qu'il les 70. rend dans les années 70 et qu'il se réveille dans les années D'accord. 90. Je sais, c'est pas précisé en tout cas. Mais en tout cas, la série commence 20 ans après cet événement, alors que Barry Allen Flash a 40 ans. Il est décongelé et il découvre qu'en fait, il y avait une conspiration des super-vilains. C'était pas du tout les USA et la Russie, c'était les super-vilains qui avaient fait un complot pour que les super-héros abandonnent leur pouvoir et prendre le contrôle. Et du coup, pendant les 20 ans durant lesquels Flash a été en état de stase, tous les vilains ont pris le pouvoir sur le monde et maintenant, ce sont eux qui dirigent le monde. Donc Flash se réveille dans ce milieu-là, dans ce monde-là, où il va devoir partir à la quête d'anciens super-héros qui vont le rejoindre pour riposter et essayer de reprendre le contrôle Ouais, ça fait un peu C'est Civil War intéressant. Injustice, quoi. Moi, j'ai trouvé, moi, ça m'a fait penser à un mélange de Civil War et de merde, Injustice. non, le récent event chez DC, Forever Evil. J'ai vu un mélange là, j'ai pensé à ces deux trucs-là quand j'ai lu ce truc. Et je trouve ça hyper intéressant. Et tout ça, en fait, a été fait parce que les super-héros n'avaient plus la cote à l'époque, hein, et c'est le Batman de Tim Burton qui a relancé un peu cette vague-là. Et du coup, ils se sont dit, ça a marché, c'était sombre, donc on va faire quelque chose de sombre aussi. Un exemple Qui choque le de plus? un exemple du côté dark dès le pilote, Flash tue Green Arrow. Ah oui. Dans Ah ce projet-là, oui. Flash tuait Green Arrow et c'est la fille de Green Arrow qui rejoignait l'équipe en tant que nouveau Green Arrow. Voilà. Très dark. CBS avait adoré l'idée, comme quoi Oui, CBS tu n'a pas m'étonnes. toujours eu des goûts de merde. Hein. Ils Comme avaient quoi? adoré l'idée de ce truc-là, mais en fait, ce qui les a fait reculer, c'est le prix. Ah oui, ça devait C'est une question coûter. budgétaire Bah qui oui, fait ça que devait le projet coûter n'a une jamais blinde vu à le jour. l'époque. Le coût des costumes en mousse, des effets spéciaux, et etc. Voilà, c'était trop pour faire 4 super-héros, parce qu'il y avait 4 super-héros qui étaient prévus dans le Mais projet. Il y tu avait m'étonnes que Flash, Green s'ils Arrow, ont... Bloc et Docteur Occulte. Et donc, du coup, ils ont reculé, et parmi les 4, celui qu'ils avaient préféré, c'était Flash. Donc, du coup, ils sont partis pour faire une série Flash. Tu m'étonnes que si le Oui. pilote Ça à s'appelait 6 comment, tu millions dis? a coûté cher... Ouais. Ça s'appelait Unlimited Powers, ce projet de base de Paul DeMeo et de Danny Bilson. Et du coup, ils sont finis par faire Flash alors qu'ils détestaient Barry Allen. C'est beau les D'accord. histoires comme ça. Ils détestaient Barry Allen et ils n'aimaient pas plus Wally West, qui était le Flash de l'époque dans les comics. J'espère que tu le vis bien. Donc, du coup, c'est pour ça qu'ils ont fait un mélange entre les deux personnages. Ils lui ont collé un frère qui s'appelle Jay, tiens, c'est bizarre. Enfin, bref, voilà. Et Oui. du coup, voilà, la mère de Barry est encore vivante, ce qui était encore le cas à cette époque-là. Les origines de Barry ont changé plus tard. La mort de sa mère, c'était plus tard dans les comics. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a aussi la mère de Barry dans le casting. Et du coup, ben voilà, on arrive au pilote, du coup. Et son père est un gros connard. Et son père est un putain de réac. Ouais, c'est un peu ton grand-père de droite là, ou d'extrême droite, tu sais. Le pilote, du coup, est-ce que l'un de vous veut bien nous raconter qu'est-ce qu'on voit dans ce double épisode donc de 90 minutes? On n'a pas l'habitude, hein? Ouais. Ça change, ouais. Vas-y, Arnaud. Alors... Barry Allen, donc il vit à Central City, dans une ville qui sent bon le film Batman des années 4, de 1989, Alors, dans on a une clairement l'inspiration, ouais, clairement. similaire. En plus, j'ai vu après que le générique a été, la musique du générique a été composée par Danny Elfman, qui a fait Exactement. la musique du film. C'est vrai. Donc, dans une ambiance très Batman de 89 et un petit mélange de Mad Max, on a des bikers qui mènent la terreur dans Central City la nuit. Les gens n'osent plus sortir la nuit parce qu'il y a ces bikers qui sèment le bordel. Et un soir, Barry, donc, comme on le sait, est touché par comment, La la foudre. foudre. Et il se découvre une super vitesse et une scientifique physique de Star Labs, Christina McGee, va le suivre et l'aider. Voilà. Voilà, parallèlement à ça, on découvre effectivement Barry avec sa famille. On découvre qu'il a un frère qui s'appelle Jay, qu'il n'a jamais eu dans les comics, mais on voit très bien Allusion l'hommage qui est la surtout en référence. plus que. Bah, surtout qu'après, il va, pour retrouver Christina McGee, il va à Garrick Avenue. Ouais. Oui. Et il répète bien le Garrick, tu vois, histoire de... Oui. Alors, Clin d'œil. c'est un peu plus subtil quand même que les clins d'œil de la série Flash actuelle où on nous met 52 dans Oui. tous les épisodes. Ça se passe toujours au 52. Quelle que soit la rue, c'est toujours au 52. Dans la série CW. Là, c'est un peu plus subtil, effectivement, au niveau voilà, de la Garrick Avenue dans le pilote. Et puis, plus tard, dans les épisodes qui vont suivre, on aura l'hôtel Infantino, en hommage à Carmine Infantino, qui Terminé est Infantino. le co-créateur de Barry, hein, du Flash de Silver Age. Le capitaine de police s'appelle Julius Schwartz. Voilà, on va donner rendez-vous à l'intersection entre Garner et Fox. Garner Fox étant le créateur du Flash du Golden Age. On va parler du professeur Zoom, de Gorilla Grodd, qui vont, voilà, mais d'autres manières, mais les noms vont quand même être cités. Barry va passer devant un cinéma ou un projet de Batman et Superman. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui se passent dans les épisodes suivant le pilote. Et du coup, c'est un petit peu plus subtil, c'est un peu sympa. Mais de manière générale, c'est. Enfin, vous l'avez peut-être ressenti dans le pilote, c'est quand même assez éloigné de ce qu'on connaît de Flash. Ouais, complètement. Un C'est une peu, version ouais. plus sombre et quand même assez étrange. Il est plus violent dans sa manière de parler déjà et de se battre. Et vraiment, ce qui le pousse à devenir The Flash, c'est pas une volonté d'utiliser, comme dans la nouvelle série, d'utiliser ses pouvoirs pour faire le bien et aider les gens parce qu'il en a envie. Là, c'est juste pour se venger. Oui, mais Ce qui justement, rappelle également j'ai. le film de Batman, Mais puisqu'il justement, se j'allais le lance dire, pardon. dans ça pour venger ses parents. C'est vraiment ce que j'ai ressenti, en fait. En regardant ce pilote, et juste après, en effet, qu'il décide de vraiment embrasser les capacités de ses pouvoirs, etc. Bon, j'ai vraiment pensé à Batman, parce que ça me fait vraiment très Batman. Déjà, le pilote est archi sombre, il y a très peu de lumière sur les Ouais, tout 90 se passe minutes. presque la nuit, hein. Voilà, d'une part. Ensuite, bah, le biker, tu vois, il est l'espèce de malfrat, bandit, enfin voyou de gang, etc. Ça fait un peu comme le tueur des parents de Batman. Le très lien street avec level, la... quoi, tout ça, en fait. C'est... Voilà, le lien avec la famille. Donc là, c'est le frère. Pour Batman, c'est les parents. Mais bon, le lien familial est là. Oui, parce que Jay le... Allen se fait assassiner par Pike, le chef de Biker. Et puis surtout, après, c'est, en plus, c'est même pas anodin. 90-91, c'est-à-dire un an après le premier Batman de Burton. Ah, mais c'est donc, clairement ça qui a ouvert la voie à cette série et qui a permis qu'elle existe, puisque sans ce film-là, on n'aurait jamais eu de série Flash à la télé, parce qu'on n'aurait pas eu. Enfin, les super-héros n'étaient clairement plus à la mode depuis 10 ou 15 ans. Non. Et c'est vraiment le film de Tim Burton qui a permis toute cette nouvelle vague derrière. Et qui a et clairement le truc, enfin ce pilote, ce téléfilm se place en héritage et dans la continuité de ce qu'a fait poser Tim Burton. Et puis même, enfin Barry Allen, c'est une vraie tête brûlée dans ce téléfilm, quoi, un peu réfléchi, un peu calculateur, qui utilise ses capacités et tout. On dirait vraiment un Batman, quoi. Et puis il a cette capacité un peu de séduction, etc. Enfin, qui marche bien, qui attire Tina McGee, qui plaît toujours à Iris, même si elle le largue le temps de 10 minutes d'épisode. Et tu mets donc le doigt sur le triangle amoureux de la série. Voilà, le premier. Déjà à l'époque. Bon, moi, clairement, quand j'ai vu ce pilote de Flash, j'ai eu l'impression de voir New York Unité Spéciale avec un mec qui va vite. Yes, ça. Tellement le côté enquête, le côté détective presque, est présent dans ce pilote, et ce sera le cas dans tous les épisodes derrière. Ah ouais, vraiment, on pourrait croire que c'est juste le fait d'amener les pouvoirs et tout ça. Ah non, non. C'est exactement la même structure dans les autres épisodes. Les épisodes sont tous quasiment des stand-alone. Il n'y a quasiment pas de fil rouge global. Il n'y a pas un ennemi qui va se détacher et qui va comme on a pu l'avoir avec Zoom. Ça se faisait pas trop avec River. Voilà. Là, c'est vraiment du stand-alone. On a un cas par semaine, une enquête par semaine. Et c'est vraiment des enquêtes la plupart du temps. Il y a du mystère, etc. Il y a des rebondissements. Voilà, on n'est pas dans ce format. Parfois, on l'a, ce format. Barry Allen va se confronter, il va perdre, puis du coup, il va trouver un truc pour battre le méchant avec ses pouvoirs, etc. Et il va revenir, et cette fois, il va gagner. Ça, on l'a pas forcément. On a plus la construction en enquête avec Tina McGee, avec les journalistes, avec la police qui est très présente aussi. Le commissaire de police, tout ça, ils sont très très présents, ses collègues de la police. Donc, du coup, on est vraiment presque plus dans une série policière que de super-héros par moment. Mais ça se ressent déjà dans le pilote. Ah oui, ah bah oui. Donc voilà, moi ça m'a un peu emmerdé du coup. Non mais disons-le franchement, j'ai vu que le pilote, mais ça ne m'a pas donné envie de voir la suite. Bah, déjà par l'aspect visuel, parce que visuellement c'est super dur. Enfin franchement c'est dur à voir. Ça a trop vieilli. Et puis après, ouais, effectivement, moi cette... Allô ? Ouais. Oui. Ah, ça va. Et après, ouais, effectivement, cette construction comme ça en mode mystère, etc., ça peut être intéressant avec un autre personnage, mais c'est pas ce qu'on attend quand on voit Flash. Absolument pas. Donc, du coup, effectivement, après le pilote, t'as pas envie forcément d'y revenir. Et ses ennemis, dans les autres épisodes, c'est des petits criminels du même genre ou oui. Il y a vraiment des méta-humains ? Il y a vraiment quasiment que des petits criminels, comme tu dis, des malfrats, des petites frappes de la rue. À part le trickster, peut-être, et le maître des miroirs. Ça va basculer. Alors, je vais reprendre la liste des épisodes que j'ai, et puis je vais vous dire à partir de quand ça change. Alors, où est-ce qu'elle est ? Voilà, après, ouais, on a vraiment des trucs qui se passent dans la rue. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la rue. Un truc avec les SDF dès l'épisode 2. Enfin, c'est très street level. Et puis, on va avoir le Spectre qui va arriver à l'épisode 9, qui va intégrer du coup un personnage de l'histoire de DC pour la première fois. Et puis après, on va repartir dans des trucs un peu chiants, parce qu'il faut le dire, c'est chiant. Et puis, effectivement, le 12, l'arrivée de Mark Hamill en Trickster, le charlatan en VF. Qui va revenir dans l'épisode 22. Donc c'est la seule fois, épisode 12 et 22, c'est la seule fois où t'as des intrigues qui se reprennent et qui se poursuivent. Puisque ce qui se passe dans l'épisode 12, bah effectivement, l'épisode 22, c'est le procès du trickster, du charlatan. Et du coup, on a un petit peu la suite de l'épisode 12. Ce qu'on n'a jamais, à part ça, dans la saison. On a un épisode sur Captain Cold, on a un épisode sur le maître des miroirs, le Mirror Master. Et pour le c'est reste. Ce que fait vaguement. Je sais pas ce qui fait vaguement ça, mais pas la série de 2014 en tout cas. Pas la série de 2014. Donc du coup voilà, c'est un peu ce que fait la série actuelle. De temps en temps, il y a des. Non, enfin, pour moi, je sais pas toi Arnaud, mais pour moi non, la série de 2014 c'est clairement du fil rouge et c'est quelque chose qui suit. Et même si on a quelques épisodes comme ça qui sont un peu isolés. Il y a plusieurs standalone, mais il y a toujours une part de fil rouge, et déjà il y a un fil rouge, ce qui n'est pas le cas dans celle-là. Non, là on n'a pas du tout. Donc voilà, niveau personnage de l'univers comics DC et Flash en particulier, eh ben on a Trickster, on a Captain Cold et le Mirror Master. Captain Cold, Capitaine Glaçon quand même, faut quand même le dire. Les traductions des années 90 sont vraiment des traductions heureuses. L'épisode s'appelle Vague de froid et du coup c'est Capitaine Glaçon. Enfin, Il s'appelle comment en VF dans les comics? ben c'est Captain Cold. Ah, ils ont laissé le nom français, anglais. En VF, oui. Alors peut-être D'accord. qu'à l'époque, dans les comics, il était aussi traduit par Captain Peut-être. Glaçon, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Captain Glaçon. Donc du coup, bah, plutôt peu de liens avec. Et c'est ça en fait qui m'a fait sauter des épisodes, c'est que en fonction des titres des épisodes, je voyais ou non si ça allait concerner des personnages que j'avais envie de voir. Et du coup, bah, il n'y en a pas tant que ça. Donc bah, j'en ai passé quelques-uns en regardant un peu les résumés, histoire de voir si par hasard j'allais louper quelque chose. Non, je loupais rien à chaque fois. Donc voilà, un plaisir effectivement de voir Mark Hamill en charlatan, puis de le retrouver dans l'épisode 22. Voilà, et du coup ces deux épisodes-là sont sortis en VHS en tant que Flash 2. Pourquoi deux? Bah, parce que le pilote c'était Flash, le téléfilm Flash c'était le pilote, et il y a eu un deuxième téléfilm du coup qui a été fait en combinant ces deux épisodes-là, qui s'appelait Flash 2, Ah, Flash 2, le d'accord. charlatan ou je sais pas quoi, enfin voilà. Du coup, c'est assez rigolo. Bref. Donc du coup, en fait, on peut très bien voir le pilote et ces deux épisodes du Charlatan, et puis bah le reste, voilà. Voir les Mirror Master et Captain Cold, voilà comment ils étaient introduits, qu'est-ce que ça donnait, ça peut être intéressant aussi. Mais le reste, clairement, à moins que vous soyez fan des enquêtes, voilà, et que vous ayez envie de voir Flash en mode Batman, mais sinon, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, D'accord. moi, ça m'a pas, ouais, ça m'a pas vraiment plu, quoi. Et puis. Ouais, je sais pas, ça a trop vieilli, je sais pas. J'ai pas accroché, je me suis souvent ennuyé. Bah, moi je l'ai regardé en deux fois le pilote, tellement Ouais, je je m'en rappelle. m'ennuie. En même temps, 90 minutes, au rythme où ça va, effectivement, tu peux le regarder en deux fois. Parce que c'est assez lourd. Mais maintenant, voilà, peut-être que dans les années 90, ça plaisait un peu plus, et peut-être que ça nous aurait plu à cette époque-là, je ne sais pas. En tout cas, la série a été arrêtée au bout d'une saison, surtout à cause de son budget. Ce qui a bien failli arriver à Supergirl, sur la même chaîne, cette année. C'est assez intéressant comme les choses 25 ans avec 25 ans d'écart se reproduisent. Et du coup, Supergirl, elle, a été sauvée en changeant de chaîne. À l'époque, voilà, ça n'avait pas été possible pour Flash. On avait mis un ultimatum plus ou moins à Bilson et Dimeo. On leur avait dit, bah, c'est soit vous réduisez le budget quasiment de moitié, hein, je crois que c'était question de ça à l'époque, parce que c'était 1,5 million par épisode, le budget. La vache. C'était la série la plus chère de l'histoire. À l'époque. En termes de coût d'épisode à l'époque, parce qu'effectivement depuis, voilà. Donc on leur a dit soit vous réduisez de moitié, soit bah, on arrête là, quoi. Et du coup, les créateurs n'ont pas voulu faire une série au rabais et on dit on arrête. Et du coup, on n'a pas de cliffhanger à la fin du season final, ça se termine. C'est ce qu'on voulait. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, années 90, quoi. Voilà. Tout va bien, tout va bien. Avoir volé l'univers de Batman, tout le monde est gentil et tout le monde se Bah, bien. voilà, tout le monde, voilà. Et c'est rigolo parce que maintenant qu'on a vu la série, on va faire le parallèle maintenant avec cette série de l'année 2014, qui a été lancée en 2014 sur CW. C'est rigolo parce qu'une des dernières scènes, c'est Mark Hamill, une des dernières scènes du final. D'ailleurs, la dernière image, je crois que c'est lui où il dit qu'il va revenir, où il dit je reviendrai. Et effectivement, Non. maintenant on le sait, effectivement, 25 ans après, Mark Hamill est revenu. Et du coup, ça prend une petite saveur, cette scène. Et effectivement, ça fait sourire. Voilà, c'est un moment où moi, ça m'a fait sourire, parce que oui, il est revenu. Et du coup, c'est cool. Et c'est pas le seul de la série à être revenu, d'ailleurs. Bah, Tina Maggie. Tina Maggie, la même actrice, revient Ouais. effectivement à participer à 5 épisodes de la série de la CW. Et puis évidemment, John Wesley Shipp, qui joue le papa de Barry Allen. Et qui joue également, du coup, on a eu le plaisir de le découvrir dans la fin de la saison 2, qui joue Flash, tout simplement, Jay Garrick. Donc, très très sympa. Jay Garrick, d'ailleurs, on voit son casque dans la saison. Ah Ouais, le Trickster a mis une statue de Flash au milieu de la ville avec une bombe. Et la statue de Flash qu'il a mis, c'est une statue avec le bol sur la tête. Voilà. Alors que jamais ce Flash n'est apparu dans cet univers-là, etc. Mais le Trickster a fait cette statue comme ça, donc du coup, c'est clin sympa. d'œil. Sympa petit clin d'œil, Et voilà. pas d'autre clin d'œil à l'univers d'ici. Bah, il y a le fait que Batman et Superman soient là, soient projetés à ce moment-là quand Barry passe devant un cinéma, les petits clins d'œil que j'ai dit sur les créateurs, la Garrick Avenue. Il y a un moment, Flash, il est en train de courir et puis on voit le mot West et puis quelque chose sur une enseigne derrière. On voit pas le premier mot, on voit juste un Y. Donc, et derrière West, donc on se dit c'est marqué Wally West, mais on nous le dit pas vraiment. Le nom du professeur Zoom est cité à un moment dans un des épisodes, mais pas en tant que professeur Zoom, hein, c'est juste une espèce d'astuce que Barry prend dans une enquête. Enfin, voilà. On parle aussi de Gorilla Grodd, mais pas non plus dans la façon dont on connaît Gorilla Grodd. Mais c'est tout, c'est tout. C'est plutôt pauvrement lié. Si, il y a la devise de la Justice League Ah ouais. qui apparaît à un moment aussi. Mais c'est tout. Voilà, c'est pas, en termes de clin d'œil, voilà. Peut-être que pour l'époque c'était beaucoup, hein, mais voilà, c'est pas Je veux dire grandiose. que les comics n'étaient pas non plus aussi plus populaires de nos jours. Bah, dans la culture, on va dire, de masse comme elle est maintenant, non, mais en termes de vente, les comics c'était quand même autre chose qu'aujourd'hui. C'était 10 à 100 fois plus vendu qu'aujourd'hui, les comics. Donc voilà, puis on était à une époque où Flash venait de se sacrifier dans la crise, etc. Enfin voilà, c'était quand même. Mais bon, voilà. Donc du coup, 22 épisodes pour cette série. Clairement, si vous en voyez 6, c'est très bien. Les 6 importants, comme ça vous aurez vu. Et puis voilà. Hein. Et puis voyez cette petite scène à la fin où vous avez le Trickster dans sa chambre capitonnée qui dit qu'il va revenir. Voilà. Parce que c'est la petite scène qui m'a fait quand même peut-être le plus plaisir de toutes. Après, pour le reste, c'est quand même hyper. C'est pas très fin, en fait. Non, mais c'est assez contenu et C'est pas surtout très fin, c'est c'est-à-dire vidéo. qu'il se fait piéger comme un con, quelqu'un planque une caméra chez lui et il se déplace à super vitesse, donc la personne découvre qu'il est Flash. Enfin, c'est des pièges, enfin, j'ai envie de dire, des pièges des années 90, quoi. C'est des trucs. Aberrant. Tellement aujourd'hui, en termes de narration, en termes d'inventivité de scénario, etc., ça nous paraît tellement pauvre, ces petits procédés-là de scénario que. Bah, du coup, ouais, c'est. Enfin, bon, Legends of Tomorrow, juste, ils ont fait des trucs du même style. Oui, bah, peut-être, mais bon, c'est pas un très bon exemple. On parlait tout à l'heure de la musique de Danny Elfman, enfin de l'esthétique, voilà, qui était quand même un peu inspirée, voire même clairement inspirée du film de Tim Burton en ce qui concerne le visuel, la ville, etc. On a la musique de Danny Elfman également, qui reprend donc l'univers DC après avoir fait le film Batman de Tim Burton. Danny Elfman est aussi celui qui a fait, 2 ans plus tard, celui qui fera le générique de Batman The Animated Series. Ah ouais. Et si je cite ce générique, c'est pas pour rien, parce que pour ceux qui ont vu des épisodes autres que le pilote et ou ceux qui en regarderont suite à l'émission, faites attention aux musiques et vous allez voir que pour faire le générique de Batman Animated Series, il n'est pas allé chercher très très loin. Non. Il n'est pas allé chercher. Enfin, franchement, il n'est pas allé chercher très très loin. À un moment, ça m'a même. Je me suis dit, mais c'est le générique de Batman, mais c'est pas possible. Et effectivement, à trois ou et c'est pour ça que je suis allé chercher. En fait, c'était pas le même qui les avait fait. Et oui, c'est le même. Donc du coup, il a réutilisé ses partitions, il a changé quelques notes, et puis hop, ni vu ni connu, je t'embrouille, j'ai envie de dire. Mais voilà, un générique fait très années. Le Très années. générique de Flash fait beaucoup penser à la musique de Batman. Oui, bah, ce générique-là, oui. Et il y Alors... a un moment, dans plusieurs épisodes, une musique qui revient plusieurs fois et qui est, mais c'est incroyable. Ah ouais. C'est à deux ou trois notes près, Le vraiment, générique. c'est le générique de Batman The Animated Series. J'essaierai de la mettre en générique de fin de l'émission. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte. Parce que je crois que je l'ai trouvé sur Internet, sur YouTube. Il doit y avoir des vidéos comme ça avec les musiques. Vous pourrez voir. Écoutez le générique de fin et pensez fortement au générique de Batman avec les éclairs, la banque, etc. Et vous allez voir. Vous allez voir. D'accord. C'est incroyable. Voilà. Bah, est-ce qu'il y a besoin d'aller plus loin sur la série Flash des années 90? Non. Je ne pense pas. Elle est disponible en DVD, ça on peut le dire quand même. On peut la voir de manière légale. Après, voilà, je vous ai dit, il y a 6 épisodes hein, à voir. Le pilote, le 9 parce qu'il y a le spectre, le 12 pour le charlatan. Ensuite, on passe au 17 pour Captain Cold, le 19 c'est le Mirror Master, et puis le 22, le retour du charlatan avec son procès. Un charlatan qui m'a fait. Enfin, ouais, je dis charlatan parce que je l'ai vu en VF. Franchement, des allures de Joker, ce personnage. Ah Oui, il est grandiloquent comme ça aussi dans la BD, etc. Mais la manière qu'a Mark Hamill de l'interpréter, on voit clairement que c'est le Joker de Flash dans la manière dont il le fait. Et du coup, derrière, bon, on n'est pas étonné qu'il ait repris les mêmes mimiques vocales pour faire le Joker dans les versions animées plus tard. d'accord. Dans les doublages qu'il a fait derrière, il reprend les mêmes intonations vocales, etc. que celles qu'il utilisait pour le Trickster, parce que bah, clairement, son Trickster, il est quand même très jokerisé. Mais c'est pas forcément désagréable pour autant. Voilà, on va s'arrêter là hein, pour Flash des années 1990, de l'année d'ailleurs 1990. Bonne semaine, bonne découverte. de cette merveilleuse série Flash des années 90. Et on se retrouve au mois d'octobre pour un autre numéro rétro. À bientôt. Tintin. Salut.